un jour d'amour. mon envol vers la lumière, mon besoin d'authenticité, t'es la chaleur dans ma chaumière, t'es ma planète à explorer, t'es mon ruisseau, t'es ma rivière, ma coulée d'air après l'apnée, ma vérité et mon mystère, mon présent, mon éternité.